Rapport confidentiel des services de renseignement de la CIA. Assassinat du général Carlos Prats, 25 octobre 1974. Direction des opérations. NSC SFB INIO. Ceci est un rapport à contenu informationnel, non des renseignements évalués de façon définitive. 25 octobre 1974. Passage censuré. 2. Commentaire. Le 30 septembre 1974, le général Carlos Prats, ancien commandant en chef de l'armée chilienne, a été assassiné à Buenos Aires par des individus non identifiés, alors que Prats était en exil depuis le renversement du gouvernement de Salvador Allende le 11 septembre 1973. Selon On pense dans les cercles officiels du gouvernement argentin que l'assassinat du général Carlos Prats a été exécuté par des Chiliens. A dit que cette opinion se fondait sur le fait que la bombe utilisée lors de l'assassinat était bien plus puissante que celle généralement utilisée en Argentine et que l'assassinat n'a pas été exécuté suivant les méthodes habituellement utilisées par les groupes argentins pour ce type d'acte terroriste. En outre, aucun groupe n'a revendiqué l'assassinat, ce qui est contraire aux pratiques des organisations terroristes argentines, et Prats n'a aucune importance sur la scène politique du pays. Aucun consensus ne fut atteint dans les cercles officiels du gouvernement argentin quant à savoir si l'assassinat était le travail d'un groupe de la gauche ou de la droite chilienne. 3. Passage censuré. 4. Passage censuré. Il a rencontré le général Prats à la fin septembre et que Prats lui a dit avoir reçu un coup de téléphone d'un Chilien qui essayait de prendre l'accent argentin. Son interlocuteur a prévenu Prats qu'un groupe se préparait à l'assassiner, ajoutant que lui-même s'opposait à l'assassinat. Selon Prats, son interlocuteur lui conseilla d'organiser une conférence de presse dans le but d'annoncer cette menace, expliquant que cette annonce inciterait sûrement le groupe à annuler sa tentative d'assassinat. Son interlocuteur conseilla aussi à Prats de maintenir son voyage au Brésil. Prats confia à qu'il n'avait jamais envisagé un tel voyage, mais qu'il s'était servi d'un soi-disant voyage au Brésil comme prétexte pour obtenir un passeport auprès du consul général du Chili, Alvaro Droguet. 5. Passage censuré. Insiste sur le fait que Prats n'était pas actif sur le plan politique à Buenos Aires. Toutefois, Prats avait presque fini ses mémoires, dans lesquels il condamnait vivement de nombreux politiciens de l'unité et officiers militaires peu populaires. Après l'assassinat de Prats, sa fille rapporta le manuscrit de ses mémoires à Santiago. 6. Passage censuré. Ambassade américaine, câble secret du 8 août 1975. Analyse de la mort et de la disparition d'extrémistes chiliens. Page 1. R082005Z, août 75. Ambassade américaine de Santiago, au secrétaire d'État à Washington 4305. Ambassade américaine de Buenos Aires, consulat américain de Sao Paulo, ambassade américaine du Brésil, mission américaine USEN, DIA. Section 1 sur 2, Santiago 54-83. Sujet, analyse de la mort et de la disparition d'extrémistes chiliens. Référence, A. État 18-36-42. B. État 18-42-96. 1. Résumé. Nous avons conclu que les rapports décrivant la mort et la disparition de 119 extrémistes chiliens en dehors du Chili sont probablement faux, bien que la plupart des personnes concernées soient certainement décédées. L'explication la plus plausible que nous puissions trouver à cette affaire, qui restera sans doute un mystère, et que les forces de sécurité du gouvernement du Chili, GOC, ont agi directement ou avec l'aide d'un tiers et ont introduit des rapports dans des publications obscures dans le but de fournir des moyens de rendre compte de la disparition de nombreux gauchistes violents. Les forces de sécurité du GOC peuvent avoir tué certains d'entre eux ou les avoir tués tous. Fin du résumé. Rapport secret de la CIA. Tentative d'assassinat contre les exilés politiques chiliens en Europe, 20 août 1974, page 1-2. Direction des opérations. Ceci est un rapport à contenu informationnel, non des renseignements évalués de façon définitive. DIST, 20 août 1974. 1. Passage censuré. 2. Des éléments du gouvernement chilien tentent de localiser et d'assassiner les principaux dirigeants de gauche, comme Carlos Altamirano, secrétaire général du Parti socialiste, et Volodia Tettelboim, membre important de la commission politique du comité central du Parti communiste, qui travaille de façon active depuis l'étranger contre le gouvernement de la junte. 3. Passage censuré. 4. Le 3 août 1974, une réunion fut organisée par le capitaine Raoul López, chef de la mission navale chilienne à Londres, à laquelle assistèrent 23 officiers de réserve de la marine résidant à présent en Europe. 5. Le but de cette réunion était de donner l'ordre aux officiers de réserve de surveiller dans leurs pays respectifs les gauchistes chiliens résidant en Europe et de signaler à López, à Londres, toute activité de leur part dirigée contre la junte. 6. López déclara aussi que les officiers devraient immédiatement lui signaler si Altamirano se montrait dans un de leurs pays respectifs. 7. Commentaire. On croit que la junte veut qu'Altamirano soit assassiné ou kidnappé et traduit en justice au Chili. Commentaire. Compte-rendu d'interrogatoire du FBI. Tentative d'assassinat sur la personne de Bernardo Leighton, le 6 octobre 1975 à Rome, Italie. 9 avril 1980, page 1. Ministère de la Justice des États-Unis, FBI, Washington, D.C., 20535, 9 avril 1980. Tentative d'assassinat sur la personne de Bernardo Leighton, 6 octobre 1975, Rome, Italie. Le 17 avril 1978, Michael Vernon Townley, qui reconnaît avoir travaillé comme officier à la Direction nationale des renseignements, National Directorate of Intelligence, DINA, DINA, informa les agents spéciaux du FBI qu'à la fin de l'été et au début de l'automne 1975, sa femme, Mariana Calleras Townley, Virgilio Pablo Paz Romero, membre de l'organisation terroriste des exilés cubains anti-Castro, le mouvement nationaliste cubain CNM, et lui, voyagèrent à travers toute l'Europe. Townley les informa que sa femme, Paz, et lui ont visité Rome, en Italie, au début de l'automne 1975, et qu'ils y entrèrent en contact avec différents membres d'une organisation fasciste italienne. Townley déclara que des membres de cette organisation fasciste avaient laissé entendre que Bernardo Leighton, l'ancien vice-président du Chili, avait été identifié comme étant le dangereux catalyseur à la base de la formation d'une coalition entre le Parti démocrate chrétien, PCD, et le Parti socialiste, PS, en Italie, durant les élections à venir. Townley déclara que des membres de l'organisation fasciste italienne lui avaient dit que Leighton avait été accepté comme porte-parole du PCD en Italie et que Leighton entretenait d'excellentes relations avec des membres du PS italien. Townley identifia Alfredo Di Stefano, que l'on surnommait Topo Gigio, la poupée, comme étant l'un des principaux membres de cette organisation fasciste. Townley déclara qu'après avoir visité l'Italie, sa femme et lui retournèrent au Chili alors que Paz retournait aux États-Unis afin de reprendre ses activités avec le CNM. Virgilio Pablo Paz Romero, Supra, est un fugitif fédéral recherché par le FBI pour sa participation à l'assassinat à Washington, le 21 septembre 1976, de l'ancien ambassadeur chilien Orlando Letelier et de son assistante Ronnie Moffitt. Câble secret contenant des renseignements de la CIA. Assassinat d'Orlando Letelier, 6 octobre 1976, pages 1 et 2. Câble des services de renseignement. État, INR, JCS, MC, DIA, CIA, NSA, TREAS, CNS, SSDO, NIO, CRS. La divulgation et l'utilisation de ces informations sont sujettes aux contrôles cités au début et à la fin de ce rapport. Ceci est un rapport à contenu informationnel, non des renseignements évalués de façon définitive. CITE TDFIR 314-02794-76 DIST 6 octobre 1976 Passage censuré. Pays DCI Sujet Passage censuré. ACQ Numéro de terrain Source Passage censuré. La mort violente d'Orlando Letelier, ministre des Affaires étrangères du Chili, de feu le président Salvador Allende Gossens. Letelier a été assassiné aux États-Unis le 21 septembre 1976 lorsqu'une bombe a explosé dans sa voiture. Il a été enterré à Caracas le 29 septembre. Le président du Venezuela, Carlos Andrés, était présent aux funérailles. 2. Croit que le gouvernement chilien est directement impliqué dans la mort de Letelier et pense que les enquêtes sur l'incident le démontreront. Passage censuré. Dans sa critique du gouvernement chilien actuel. A attiré l'attention sur des commentaires faits par le président du Chili, Augusto Pinochet Ugarte, selon lesquels la critique que Letelier a faite du gouvernement chilien était inacceptable. Passage censuré. 3. Passage censuré.